ainsi de suite. La tu khalif amr rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces choses-là. Et dans le Coran, on a beaucoup de l'alnahiyya. Wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Là, attention. La tushriku bihi shay'a, c'est waouh jama'a. C'est pas. Là, tu vas venir, ça, ils vont t'expliquer. Et là, le fil est le majzoum. On va enlever le noun qu'on a pris dans le ders, qu'on a dit le noun. La dhabouna, c'est le raf. Et bien là, comme le majzoum, le noun, on enlève. La tushriku bihi shay'a. Une interdiction. Non, ça va venir d'ailleurs dans le texte. Ils vont montrer les verbes qui ont ce noun là, qui quand ils sont majzoum, comment on fait. Là, maintenant, il dit Ikra mayali. Il va tout simplement te mettre ce qu'on vient d'expliquer à l'instant. Tazhabu, c'est tu vas. Vous voyez, la tazhabu, il est marfoua. Il y a une damma à la fin. On dit la tazhab, ne va pas. On ne part pas. Donc là, il est majzoum. Par là. Et là, c'est une interdiction. Nahi, comme on dit. Masalen, taktubu, tu écris. Là, le verbe, le fi'l, il est marfoua, avec une damma. Ce moment, on a cool. La taktub, n'écris pas. Et là, il y a une soukoun à la fin. Majzoum. Tashurabu, tu bois. La tashurab. Taïeb, là, il est majzoum. Et une soukoun à la fin. Donc, c'est une interdiction. Ne bois pas. À cette suite. Et là, il va te citer des exemples. Il dit Ya Moussa, anta marid, fala takhruj min al bayti wala tadhhab ila madrasa wala talab fi sharia. Donc, il dit Oh Moussa, tu es malade. Alors, ne sors pas de la maison. La takhruj. Taïeb. Ou la tazab il madrasa, il ne va pas à l'école. Moussa va être content. Ou la talab fi sharia, il ne joue pas dans la rue. Là, il va être moins content. Ou la talab fi sharia. Donc là, tu regardes bien les trois verbes. La takhruj, ou la tazab, ou la talab, les trois, ils sont majzouma, à cause du lait qui est devant. Thanien, la tajlis fi tariq. Ne t'assois pas dans le chemin. Thalithan, iftah al-nafidata ou la taftah al-bab. Ouvre la fenêtre, mais n'ouvre pas la porte. La tadhak fil fasl. Ne rigole pas en classe. La ta'koul fil sharia. Ne mange pas dans la rue. La takzib. Ne mens pas. La tahlik lihyatek. Masha'Allah. Ne rase pas ta barbe. Est-ce que c'est appliqué à Jamia Islamia, ça? Non. Halq peut-être, mais. Ah si, il y en a des rasés, t'en as plein. T'en as plein des rasés à la Jamia Islamia. Même chez les professeurs, t'en as plein des rasés. Nam, la tahlik lihyatek, ne rase pas ta barbe. Thaminan, la tas'alni hada su'al, ne me pose pas cette question. Tasian, la tadrib zamilek, ne frappe pas ton camarade. Ashiran, quand Ibrahim alayhi salam yabihi, Ibrahim a dit à son père, c'est dans le surat Maryam, Ya bati la ta'boudi shaitan, oh mon cher père, n'adore pas shaitan. Taïb, donc regarde bien, il dit La ta'boudi shaitan. Quand on fait la liaison, c'est la même règle. Quand un lifolem qui vient derrière, une net qui n'a pas de harakat, on met le kasra. Donc tu dis La ta'boudi shaitan. Mais là, à l'origine, c'est La ta'boud à shaitan avec une soukoun. Kamajaf et surat Maryam, comme cela était dans le surat de Maryam. Donc ça, il dit Atril la al-nahiya ala al-afal atiyati wa tbut awakhiraha. Donc il veut que tu rentres l'al-nahiya dans les vers suivants et que tu mettes, t'écrives la harakat qui convienne. Là, il y a le fil awalet tatrulu. Tu rentres. Comment tu vas dire La tatrul. Naam. Tasmaru. Tu écoutes. Ou tu entends plutôt. La tasmaru. La tasmaru. Tanzilu. Tu descends. La tanzil. Naam. Taktulu, tu tues. La taktul. Ta'khuz, tu prends. La ta'khuz. Naam. Taqta, tu coupes. La taqta. Tarkab, tu montes ou tu embarques. La tarkab. Tarfa, c'est tu montes ou tu élèves. La tarfa. Naam. Maintenant, il va te mettre ce que je t'ai dit. Qu'on avait pris quoi? Parmi les signes de... du raf dans le fi'l, on avait dit qu'il y avait la damma. Tadhabu, taktubu, tajlisu, tarsilu, takra'u, ainsi de suite. Et on avait dit que lorsqu'on mettait le waw al-jama'a, ou yal munas mukhataba, il y avait un nun qui vient derrière.

يكنسوا ولا وظيف يفعلوا لا تكنسنا غرفتي بالمكناسة القادمة القديمة Il dit, oh mes sœurs, ne balayez pas ma chambre avec le vieux balai. Donc là, comme tu as pu comprendre, tu dis, la taknusna. Il ne change pas le verbe. Le niçois, et il n'y a rien qui prouve qu'il est majdoum, si ce n'est le harf jasr qui est devant, et le fait que tu as déjà pris la règle auparavant toi-même. Rabi'an. Ya walad, la tadkhul fil fasl. Naam. Oh enfant, n'entre pas dans la classe. Ya banati. يا بنتي لا تشربي نعم لا تشربي ماء باردا نعم وما في ne boit pas d'eau froide سادسا يا ابنائي لا تخرجوا من الفصل في اثناء الدرس نعم او mes fils ne sortez pas de la classe en plein cours durant le cours في اثناء c'est pendant voyez durant une chose et les مضاف et درس après les مضاف اليه سابعا لا تخرج من الحالقه في هذه من الحالقه لا c'est pas un coffre من الحافلة نعم. من الحافلة في هذه المحطة يا أخ يا أختي أيوة دونك ريكومونس لا تخرجي من الحالقة في هذه لا. من الحافلة نعم عفوا في هذه المحطة يا أختي نعم دونك ne descend pas du bus à cette station ô ma sœur ثامنا يا بنتي لا تدخلي الحمام بهذا السكين لا هذا بيكون صعب ها هذا بيكون سي كو لا فراز تدخل اللحم اللحم مش قصدك الحمام اللحم كيف تقول يا بنتي لا تقطعي ايوه اللحم بهذا السكين او ما في يكون با لا فيون avec ce couteau تاسعا يا إخوان لا تذهبوا إلى المطعم قبل الساعة الواحدة. أو mes frères n'allez pas au restaurant avant une heure. عاشرا لا تكتب على على السبورة يا أبا بكر. نعم. N'écris pas sur le tableau au Abu Bakr. Au Abu Bakr. طيب. سادسا il dit تأمل ما يلي. Médite ce qui suit. Donc là il va te redire ce que je t'avais dit au début du cours. À ne pas confondre entre la al-nafiya, celle qui fait un nafi dans un fi'l mudari', et la al-nahiya, celle qui elle a dit au fil de al-nahi, celle qui fait quoi que le fi'l que le sens voulu c'est une interdiction et c'est harf al-jazm, c'est-à-dire que le fi'l va être majzoum. Mathalan la al-nafiya, ce que la t'en as plusieurs, vous voyez, c'est pas tout la qui est nahiya, la t'en as plusieurs, t'as harf jawab mathalan tu dis le ma'an la. هذا حرف جواب نيجاتيف تلا النافية تلا الناهية يتنا دوتخ مثلا النافية يتدي لما لا تأكلوا يا أخي pourquoi ne mangez pas mon frère donc là regarde le la qui est devant c'est un nafia c'est juste une négation c'est quoi la preuve que c'est pas un jazm تأكلوا le fil il est marfour après tu vois il y a une dhamma Alors qu'avec le nahiya, tu veux dire quoi ? La ta'koul hadha ya akhi. Ne mange pas ça, ô mon frère. Donc là, ta'koul, il est majoum, il est sukun. Ce qui prouve que là, le lait, c'est la nahiya. Thumma, on revient à l'exemple, le lait nafiya, tu dis, ala tadhabu lil mal'ab. Ne vas-tu pas au terrain de jeu ? Donc là, on regarde tadhabu lil marfou. Donc ça prouve que le lait qui est devant, c'est pas la nahiya. Contrairement à l'exemple d'après, la tadhab lil mal'ab. Ne va pas au terrain de jeu. Là, tu regardes bien le tazhab à cet endroit-là, il a une soukoun, donc il est majzoum, donc le lait qui est devant, c'est nahia. Maintenant, il va te montrer quoi ? Des particularités du fi'l mahmouz. On a dit que le fi'l mahmouz, c'est celui qui a l'une de ses lettres, c'est un hamza.

Inqalaba yanqalibu. Ça veut dire se retourner. Et regarde, je crois que c'est le premier verbe à quatre lettres qu'on prend. C'est un rubaï. À la wazd, infa'ala yanfa'ilu. On a rajouté quoi là? In. Non, en fait, c'est un khumasi à voile, c'est pas un rubaï. Cinq lettres. On a ajouté hamza et nun. Vous voyez, à la base, c'est quoi le verbe qalaba? Qalaba, qui veut dire retourner. Et quand tu mets à la wazd infa'ala, tu rajoutes le hamza et le nun, en fait, c'est des choses, elle agit sur elle-même. أنا أقول لك قلبت مثلا الدفتر j'ai retourné le cahier, c'est moi qui l'ai fait. Monsieur dit in قلب الدفتر, c'est le cahier s'est retourné. فهمت؟ أنا par exemple فتحت الباب, j'ai ouvert la porte. Monsieur dit in فتح الباب, la porte s'est ouverte. Tu vois, j'ai dit tous les أوزان, les poids qui vont venir pour les verbes, ils ont un sens par rapport au verbe. Si tu connais l'origine, après tu sais quelle lettre on a rajouté, c'est quoi comme nom de lettre, tu sauras ce que le verbe il veut dire. Inch'Allah. Donc ça c'est un début dans fil awzan al-af'al. Et ça c'est un khumasi, un verbe à cinq lettres. Tayyib. On a prié dans fi athna'i. Fi athna'i, c'est-à-dire pendant, durant. Et ensuite tu viens avec la motofili. Fi athna'i ders, ou fi athna'i khutba, ou fi athna'i kaza wa kaza, qui veut dire durant la chose dont tu parles. وبكى يبكي طيب بكى يبكي ça c'est pleurer et ça c'est parmi quoi فعل المغتال الاخر c'est le verbe dont le lam de fa'ala c'est un harf illa c'est comme aya ou un waw ou un lif et aussi ils ont des règles particulières c'est un thulasi à trois lettres seulement lui son lam c'est-à-dire la dernière lettre du verbe c'est ou un waw ou un ya, ou un alif. Mais c'est, par exemple, raja yarjou, espérer. Tu vois? Il finit par quoi? Ah waouh, yarjou, nasiya yansa, oublier, yansa, et alif. Et là, t'as bak yalki, c'est avec un ya, ou macha yamchi, c'est avec un ya. Et ceux-là aussi, ils vont venir, inshallah, leur règle. Donc aujourd'hui, on a pris quoi? On a pris la nahiya, voyez, pour interdire une chose, qui est harf al-jazm. Donc on a pris également la quatrième catégorie. Parmi les celles de l'Irlob, Aksam l'Irlob, qui est le jazm, dans le fiem. On a vu que son quoi, c'est quoi son signe? Sukun. Ou alors, quand c'est les verbes qui finissent par un nun, comme tadhabuna, tafaloun ou tafalin, son signe c'est quoi? Qu'on enlève le nun. Naam. Mafoum al-Ders? Naam. Tayyib. Fana kulli hamdulillahi rabbil alamin.